Jojo, mon caca. Mes amis. Vous le savez, cette histoire de Laurence Aubenas, ça m'a énervé. Alors, j'avais besoin de me détendre. Hier, du coup, j'ai participé au concours de bras de fer du 14e arrondissement. Bon, je vous cache pas, ça a été plutôt tendu, cette affaire. Hein. Au premier tour, je me suis retrouvé face à Benoît Crépin. Ah, Vislard, le Benoît. Je le connais, en plus, ce fumier. Il habite dans mon immeuble. Il a 5 ans, il a la maternelle. En plus, ce bâtard, c'est une vraie feignasse. Il habite toujours avec ses parents. Ah, il se fait entretenir. Un vrai parasite. Bref, quand il s'est pointé devant moi, j'ai été sans pitié. À peine installé face à face, j'ai mis un coup de latte sous la table et au moment où il allait appeler sa mère, j'ai pété le bras au mioche, il a rien vu venir. Bon, deuxième tour, c'était un peu plus chaud, hein. Ah, j'avais affaire à un gardien de square, un des mecs du parc Montsouris. J'ai été obligé de ruser. Discrètement, j'avais gardé dans ma bouche un peu de schnapps, la gorgée spéciale ruse, la 4 litres. Je l'ai directement balancé dans les yeux. Ça l'a rendu aveugle, avec en plus une légère paralysie du visage. J'ai profité de cet instant de douleur pour lui tordre le poignet, lui planter un cure-dent dans son œil droit et mort, et imiter le cri de la mouette qui se lave les dents. Il a eu peur, il s'est levé, il a été disqualifié. Au troisième tour, c'était la concierge. Madame Pedroza qui s'est pointée face à moi. Tranquille, je lui ai dit que si elle se laissait pas faire, je disais tout à son mari. Tout, y compris les expériences chez moi avec Gunther. Gunther et ses 3 bergers allemands. C'est donc tout naturellement que je me suis retrouvé en finale. Mesdames, messieurs, voici venu le moment que vous attendez tous. L'heure de la grande finale de bras de fer du 14e arrondissement, elle a sonné. Messieurs les finalistes, c'est à vous. Ah, c'est à qui que je vais péter l'avant-bras? Oh, ben chez vous, on avait le bout. Mais, qu'est-ce que tu fais là, le vieux? Allez, va-t'en, tu me retardes. Mais tu plaisantes, hein. Vous semblez ignorer que c'est moi qui suis en finale et qui vous mette une branlée. Bon, mais enfin, comment tu parles? Bon allez, sois sage et prudent, abandonne, j'ai pas envie de te faire mal, hein. Avec tes os tout poreux, ça va être un carnage dans ton avant-bras. Allez le boss, je suis prêt, on y va. Bon, comme tu veux. Vous savez quoi les amis? Je me suis pris une branlée, il m'a démis l'épaule en plus le vieux. Ah mais ça va pas se passer comme ça, hein. J'ai demandé un test antidopage. Je suis sûr qu'on va retrouver des traces des pastilles Vichy dans ses urines au vieux bouc. Bon, je vous laisse, il y a l'abbé Pierre qui présente sa collection de strings ce soir au Queen. Allez, au revoir.